La Cité de Dieu de Saint-Augustin, tome 1er, édition Charpentier 1855, traduction et notes par Monsieur Émile Edmond Cessé. Introduction à la Cité de Dieu. Markendanarchive.org, 2019, d'après Books Google FR, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique. Parmi les docteurs du christianisme, un trait distinctif caractérise Saint-Augustin, c'est qu'il est de tous le plus philosophe. Changez les conditions où la Providence plaça son génie. Faites-le naître 2 siècles plus tôt, non pas à Tagaste, mais à Athènes ou à Alexandrie. Donnez-lui pour maître un Monius Saccas au lieu de Saint-Ambroise. Celui qui devait être un grand évêque sera un grand chef d'école. Il dictera les Énéades, il rallumera le flambeau du platonisme, il portera dans les spéculations de la métaphysique la curiosité subtile et ingénieuse, la force d'abstraction et les éclairs sublimes de Plotin. Mais à chacun sa tâche. Celle de Saint-Augustin n'était pas de créer ou de rajeunir un système de philosophie. Et, si de bonne heure le spiritualisme de Platon séduisit son intelligence, il ne put fournir à cette âme inquiète et tendre un aliment capable de suffire à son ardeur. Du même élan qu'il avait arraché au matérialisme de Manès pour le conduire à Platon, il courut se jeter entre les bras du Christ, et toutefois, en dépassant la philosophie, il ne la déserta pas. Conduit par elle au seuil du temple, à son tour il l'entraîna jusqu'au plus profond du sanctuaire, et, devenu chrétien, prêtre et évêque, il resta platonicien. Note. Cette sorte d'empreinte philosophique et platonicienne dont Saint-Augustin a marqué tous ses ouvrages a été saisie avec une finesse supérieure par Monsieur Villemin, dans cet admirable tableau de l'éloquence chrétienne au IVe siècle, où le plus beau génie de l'Église latine a trouvé la grande place qui lui convient et un peintre digne de lui. Fin de la note. On aurait de la peine à citer un seul de ces innombrables écrits où ne se montre par quelque endroit cette alliance entre la foi du chrétien et la raison du philosophe. Mais nulle part il n'a pris soin de la consacrer avec autant de force, de grandeur et d'éclat que dans le livre, qui passe à bon droit pour le dernier mot de son génie, la célèbre Cité de Dieu. Il y a de tout dans ce monument grandiose et irrégulier, mais quiconque se placera au vrai centre de perspective ne manquera pas d'y reconnaître l'œuvre suprême, où Saint-Augustin, après toute une carrière vouée à réunir les esprits et à pacifier les âmes, entrepris d'accomplir pour jamais l'union de la philosophie spiritualiste avec le dogme chrétien. Voilà ce qui fait à nos yeux la grandeur de la Cité de Dieu, c'est, il faut l'avouer, par ce côté qu'elle a surtout attiré nos recherches et occupé nos veilles, c'est à ce point de vue que nous allons l'examiner. Du livre de la Cité de Dieu considéré comme une philosophie du christianisme. Si l'on voulait, sans sortir du langage mystique, donner un titre exact à la Cité de Dieu, il faudrait l'appeler, de l'aveu de Saint-Augustin lui-même, le livre des deux cités. Voir ses rétractions. Le sujet de l'ouvrage, en effet, c'est la lutte de la Cité de Dieu contre la Cité du Diable, ou, pour parler en termes profanes, c'est ce combat du bien contre le mal qui fait le fond de la vie humaine et de toute chose. Pourquoi cette lutte? Où en est l'origine? Comment poursuit-elle son cours à travers les âges? À quel terme doit-elle aboutir? Voilà les problèmes dont le genre humain demande la solution à la religion et à la philosophie. Voir le 11e livre, au 1er chapitre. Un premier principe sur lequel tombe d'accord la philosophie de Platon et la religion du Christ, c'est que par-delà les oppositions de ce monde changeant, au-dessus des vicissitudes du temps et des limitations de l'espace, avant l'humanité, avant la nature, avant toute existence finie, il y a l'être éternel, immuable, Source unique de tous les êtres, Dieu. Livre 8, chapitre 6, livre 12, chapitre 25. Dieu est un et triple tout ensemble. La raison de quelques sages avait soupçonné cette trinité mystérieuse, l'Évangile la consacre, la théologie la définit, l'Église l'enseigne à tous les hommes. Livre 12, chapitre 10 et 24 à 27. Dieu est donc Père, Fils et Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'il est tout à la fois l'être, l'intelligence et l'amour. Mais, sous cette variété de la nature divine, quand la raison cherche à saisir ce qui en fait l'unité, l'essence, et, pour ainsi parler, le dernier fond, elle trouve que Dieu, c'est le bien. Livre 12, chapitre 10. L'idée du bien est donc la première des idées, comme Dieu est le premier des êtres. Or, elle n'explique pas seulement l'essence de Dieu et le développement intérieur de ses puissances, elle explique aussi son opération extérieure qui est la création. Livre 12, chapitre 20 et 21. Dieu, en effet, est fécond et actif, bien qu'il n'agisse pas à la manière des hommes, qui épuisent dans le cercle d'un étroit espace et dans le cours d'une durée bientôt disparue l'effort inégal de leur imparfaite activité. Il agit selon ce qu'il est, éternel et immense, sa puissance créatrice est indépendante de l'espace et du temps, du sein de son éternité et de son immensité immobileness, par sa volonté, le temps, l'espace, avec tous les êtres destinés à les remplir. Livre 12, chapitre 4, 5, 6. Livre 12, chapitre 11 et 18. Mais pourquoi Dieu veut-il être fécond et créateur, car il est parfait en soi et se suffit pleinement à soi-même? Pourquoi donc sort-il de soi et fait-il être ce qui n'était point? À cette question, le christianisme et Platon, la Genèse et le Timée font la même réponse. Dieu crée, parce qu'il est bon. Livre 11, chapitre 20 et 21. De toute éternité les types de tous les êtres possibles sont présents au regard de Dieu, car ils sont compris dans sa sagesse, dans ce Verbe incréé qui l'engendre éternellement et qui est la splendeur de sa propre essence. Livre 8, chapitre 7. C'est là que Dieu se contemple soi-même, et, avec soi, tous les êtres idéalement enfermés dans les profondeurs de sa puissance infinie. Avant de vouloir et de faire le monde, il l'a donc pensé, et, comme il a vu que cet ouvrage était bon, étant bon lui-même, il lui a donné l'existence et la vie. Livre 11, chapitre 10 et chapitre 29, livre 11, chapitre 20 à 23. Mais ici s'élève de nouveau, plus obscur et plus pressant que jamais, l'inévitable problème. D'où vient le mal? Car si Dieu, premier et unique principe de toute chose, est par essence le bien, s'il n'entre en action que par bonté, si enfin il n'a créé l'univers qu'après l'avoir conçu comme digne de lui, c'est-à-dire comme bon, il semble impossible que le mal se rencontre en cette manifestation excellente d'un principe excellent. Et cependant, le mal est dans le monde. Ne pouvant y avoir été mis par le Créateur, il faut qu'il vienne de la créature. Or, si nous essayons d'embrasser du regard l'ensemble des êtres qui peuplent l'univers, nous voyons qu'au-dessous de l'homme, toutes les natures sont invariablement bonnes, quoiqu'à des degrés différents. Livre 5, chapitre 11, livre 11, chapitre 16, 17, 22. Les plus humbles de toutes, celles qui sont privées, non seulement d'intelligence, mais de sentiments et de vie, contribuent toutefois par leur grandeur et leur simplicité immobile à la beauté de la création. Livre 12, chapitre 4 et 5. D'autres, avec le don de l'existence, ont celui de l'activité. Elles sortent d'un germe, s'épanouissent, communiquent la vie sans le savoir et sans le sentir, comme elles l'ont reçu, et périssent pour renaître sous des formes nouvelles dans une évolution sans fin. À ces aspects si riches de l'existence, joignez un attribut plus admirable encore, le sentiment. Voilà un nouvel ordre de nature qui s'élève par degrés du sentiment à l'intelligence, et, depuis le chétif ermisseau jusqu'au lion superbe, font paraître de plus en plus la puissance du Créateur. Mais où elle éclate enfin tout entière, c'est dans ces natures supérieures faites pour entrer en partage avec le Verbe divin de son attribut le plus essentiel, la raison. Ici encore le bien a été départi à des degrés inégaux. L'âme humaine est formée à l'image de Dieu. Mais l'étincelle de raison qui l'éclairait est emprisonnée dans des organes corporels. Il est d'autres natures, où brillanterait plus pure encore l'image du Créateur. Ce sont les anges. Affranchis de toute entrave du corps et des sens, bien qu'ils aient le pouvoir de se manifester sous des formes visibles, ces êtres supérieurs ne sont que lumière, beauté, intelligence, amour. Livre 12, chapitre 9. Il n'y a au-dessus d'eux que la perfection infinie et incommunicable de Dieu. Livre 12, chapitre 29. Telle est la hiérarchie magnifique dont l'univers nous présente le spectacle. Et, tant que ces natures si diversement bonnes, mais toujours bonnes dans leur espèce et à leur rang, garderont la pureté de leur origine, il est clair qu'on chercherait vainement en elles la première source du mal. Où est donc le mot de l'énigme? Le voici. La créature raisonnable, ange ou homme, a reçu de Dieu la liberté. Comme les autres anges, Satan a été créé bon. Livre 12, chapitre 11. Il était donc à l'origine pur, innocent et heureux, mais il était libre, et il est tombé. Chute irréparable, qui a préparé toutes les autres. L'état naturel de la créature angélique, c'est d'être unie et comme attachée à Dieu, car quelle peut être la vie d'un être formé de raison et d'amour, sinon de contempler la vérité, la beauté, le bien, et de trouver dans cette contemplation une parfaite félicité? Livre 11, chapitre 31, livre 12, chapitre 1er. Satan a goûté ce bonheur, et il pouvait en jouir toujours. Il le pouvait, il ne l'a pas voulu. Livre 11, chapitre 12, 13, 14. Pourquoi cela? C'est que Satan s'est regardé avec complaisance, enivré de sa beauté, il s'est cru l'égal de Dieu, et a voulu se rendre indépendant de son principe pour être à lui-même son principe et son Dieu. L'amour de soi l'a conduit à l'orgueil, et l'orgueil à la révolte. Le voilà séparé de Dieu, c'est-à-dire des sources mêmes de l'être et de la vie, gardant encore quelques restes de sa grandeur première, mais corrompu dans le fond de sa volonté, orgueilleux, plein d'envie et de haine, méchant et malheureux. Satan n'est pas tombé seul, il a entraîné dans sa chute tous ceux d'entre les anges qui ont préféré comme lui s'aimer et s'adorer eux-mêmes que de rester unis à Dieu, tandis que les uns, attachés au bien qui leur est commun à tous, lequel n'est autre que Dieu même, se maintiennent dans sa vérité, dans son éternité, dans sa charité, les autres, trop charmés de leur propre puissance, comme s'ils étaient à eux-mêmes leur propre bien, de la hauteur du bien suprême et universel, source unique de la béatitude, sont tombés dans leur bien particulier, et, remplaçant par une élévation fastueuse la gloire éminente de l'éternité, par une vanité pleine d'astuces la solide vérité, par l'esprit de faction qui divise, la charité qui unit, ils sont devenus superbes, fallacieux, rongés d'envie. Quelle est donc la cause de la béatitude des premiers, leur union avec Dieu, et celle au contraire de la misère des autres, leur séparation d'avec Dieu? Livre 12, Chapitre 1er. Telle est l'origine du mal dans le monde et ici commencent les deux cités. D'une part, la cité du ciel, cité de la lumière, de l'amour, de l'harmonie, de la pureté, de la félicité éternelle. De l'autre, la cité de l'enfer, cité des ténèbres, de la haine, de la discorde, de l'impureté et de l'éternelle réprobation. C'est entre ces deux cités que toute créature raisonnable et libre est appelée à faire un choix. Quel sera celui de l'homme? Inférieur à l'ange, l'homme, ainsi que l'ange, a été créé bon. Son âme est, à la vérité, enfermée dans un corps, mais, au sortir des mains de Dieu, cette âme est innocente. Ce corps est docile et l'assemblage de ces deux natures forme un tout harmonieux. Livre 19, chapitre 23. Comment l'harmonie a-t-elle fait place à la discorde et d'où vient cette lutte de la chair contre l'esprit qui est désormais l'inévitable condition de la vie humaine? C'est que l'homme est libre, et il n'a perdu la paix et le bonheur que parce qu'il l'a voulu. Livre 13, chapitre 14 et 15. L'amour de soi et l'orgueil ont parlé à son cœur. Épris de lui-même, au lieu de trouver sa grandeur dans son union la plus étroite avec Dieu, il l'a cherché dans une folle indépendance, il s'est révolté. Livre 14, chapitre 11 à 14. Dès lors, le désordre est devenu la loi de son être, et la corruption du premier couple humain a perverti l'espèce tout entière. Voilà la chair en révolte contre l'esprit. Voilà l'esprit divisé contre lui-même. Voilà l'homme condamné à la douleur, au besoin, au travail, à la décadence et à la mort. Livre 14, chapitre 16 et suivant. Mais la mort corporelle avec ses angoisses et ses déchirements ne serait que le prélude d'une mort tout autrement redoutable, la mort de l'âme, je veux dire l'arrêt qui pour jamais la sépare de Dieu, si les lois de la justice éternelle n'avaient un contrepoids dans les trésors de l'éternelle bonté. Livre 14, chapitre 15. Au-dessus de nos misères, de nos fautes et de nos combats, veille et agit la Providence. Elle ne livre rien au hasard. En faisant à l'homme le don sublime de la liberté, elle en a prévu les écarts. Et la même sagesse qui permettait le mal dispose à toute chose pour en faire sortir un plus grand bien. Livre 12, chapitre 22. La chute de l'humanité n'est pas irréparable. Dieu lui tient en réserve un sauveur. Mais ce n'est pas la main d'un homme qui peut accomplir un tel ouvrage. L'humanité, sous le poids de ses fautes, est tombée dans un abîme aux profondeurs infinies. Il faut une puissance infinie pour l'en faire sortir. Quel sera ce sauveur tout-puissant qui, par une intervention mystérieuse, renouera le lien entre l'homme et Dieu, si ce n'est Dieu lui-même? Ce miracle de l'amour s'est accompli. La sagesse éternelle est descendue parmi les hommes, le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Homme et Dieu tout ensemble, il est la voie du salut qui ramène à Dieu l'homme régénéré. Livre 10, chapitre 20, 24. L'incarnation future du Christ, c'est la suprême raison d'être du genre humain, et c'est aussi le flambeau qui éclaire l'histoire de ses destinées. Parmi les révolutions des empires, la providence divine qui dirige, selon ses desseins, le cours des choses humaines, s'y propose un unique objet, c'est de préparer, de poursuivre et de consommer le règne du Christ. Livre 15 à 18. D'un regard immobile elle suit le torrent qui emporte les générations humaines, et dans cette confusion et ces ténèbres de la cité de la terre elle recueille siècle par siècle les membres futurs de la cité du ciel, ces glorieux élus destinés à se réunir avec les anges fidèles, au jour où toute lutte cessera, où toute vicissitude des siècles sera épuisée, et où le juge des vivants et des morts ayant rendu à chacun suivant ses œuvres, Toutes les créatures prendront la place, le rang et la condition qu'elles ne doivent plus quitter. Livre 20, 21, 22. La destinée terrestre du genre humain se partage en deux époques. L'une qui prépare l'avènement de l'homme-dieu, l'autre qui en développe les effets. Avant le Christ, parmi les superstitions qui couvrent l'univers, et pendant que les peuples se disputent en de sanglants combats la possession des biens de la terre, de ces biens que Dieu livre, tour à tour en partage aux bons et aux méchants, selon les conseils impénétrables de sa providence, qui fait luire son soleil et tomber sa pluie sur les justes et sur les injustes, un seul peuple, choisi de Dieu, garde le dépôt de la vérité. Livre 15, chapitre 1. Mais, outre que les mystères de l'avenir ne lui sont connus que sous les voiles de la parole des prophètes, au sein même de cette nation privilégiée éclate la lutte des deux cités. Livre 15, chapitre 5, 7. L'immolation d'Abel en est le premier symbole, et cette victime innocente annonce une victime plus pure encore dont le sang est d'un incomparable prix. Figuré par la suite des saints patriarches, livre 15, chapitre 18, 26, livre 16, chapitre 10, 12 et suivant, annoncé par les prophètes, livre 17 et 18, pressenti sur la face du monde entier par la sagesse des philosophes et par l'inspiration des poètes, livre 10, chapitre 27, livre 18, chapitre 23, 47 et ailleurs, l'homme-dieu paraît enfin, il passe en faisant du bien, sème la parole de vie, souffre, meurt, et, du haut de sa croix, appelle et embrasse le genre humain. Livre 18, chapitre 46 et suivant. Cependant le gigantesque empire, qui avait vaincu et remplacé tous les empires, chancelle à son tour. La dépravation des mœurs continue ce que les guerres civiles avaient commencé, les barbares vont faire le reste. Au milieu de ces ruines et de ces bouleversements, s'avance l'Église. Formée, à l'origine, de quelques hommes ignorants et grossiers, perdus dans un coin obscur de l'univers, elle s'accroît rapidement et se propage parmi les peuples. L'hérésie ne sert qu'à affermir ses dogmes, livre 18, chapitre 51, et la persécution a centuplé ses confesseurs. Ce qu'avait semé la parole de ses apôtres, le sang de ses martyrs le fertilise. L'Empire la proscrivait, elle envahit l'Empire. Elle intimide, étonne, subjugue les barbares eux-mêmes, et tandis que Rome succombe sous les coups d'Alaric, tandis qu'à la suite de ce prodigieux désastre, un long gémissement retentit dans tout l'univers, livre 1, chapitre 33, les enfants du Christ regardent d'un œil calme cette cité céleste où sont appelés également les Juifs et les Gentils, les Grecs et les Latins, les Romains et les Barbares. Car que sont, devant Dieu, les différences de race, de langue, de nation? Le genre humain est un, et, la providence divine, qui conduit admirablement toute chose, gouverne la suite des générations humaines, depuis Adam jusqu'à la fin des siècles, comme un seul homme qui, de l'enfance à la vieillesse, fournit sa carrière dans le temps en passant par tous les âges. Note. Cette comparaison fameuse, si naturelle et pourtant si originale, qui contient en germe l'idée moderne du progrès et qui a peut-être inspiré les pages tant citées de Bacon et de Pascal, cette comparaison est dans le livre 10 de la Cité de Dieu, chapitre 14. La phrase que nous citons textuellement est cachée dans un petit écrit de Saint Augustin intitulé « De 83 questions diverses questions numéro 58 ». Fin de la note. Voilà l'origine, le progrès et le terme des deux cités dont saint Augustin a entrepris de raconter les destinées. Cette philosophie de l'histoire, fondée sur toute une philosophie du dogme chrétien, rempli de ses développements 12 livres de la Cité de Dieu. Au devant de ce majestueux édifice, saint Augustin a placé une sorte de péristyle qui, par l'étendue de ses proportions et la largeur de ses lignes, est à lui seul un monument du plus grand caractère. Ce sont les 10 premiers livres, destinés à confondre les païens et à convertir les philosophes. Saint Augustin écrit sous l'impression du grand désastre qui occupait alors toutes les imaginations, la prise de Rome par Alaric, et il s'adresse à cette foule, très nombreuse encore, qui regrettait les anciens dieux et voyait dans l'abolition de leur culte la cause des malheurs de l'Empire. Livre 1, chapitre 1er. Il s'attache à montrer, par l'histoire de Rome, l'impuissance et le néant de ces divinités fantastiques, livre 1 à 5, et, à travers 1000 aperçus où son génie inégal, tantôt fait pressentir la hauteur et la majesté du livre, de Bossuet ou la sagacité profonde de celui de Montesquieu, et tantôt se laisse emprisonner dans l'étroit horizon de l'homme d'église, livre 3, chapitres 9 et 23. Parmi d'innombrables arguments de détail qui paraissent quelquefois plus ingénieux que solides, frappant fort plutôt que juste, plus étincelant de malice, et je dirais presque d'ironie voltairienne, qu'est véritablement lumineux et décisif, saint Augustin s'adresse enfin à ses véritables adversaires, les grands théologiens du paganisme, un Sévola, un Varron, un Antistius Labéon, et réfute solidement le paganisme, livre 7, chapitre 5, 6, 9, 11, 27 et ailleurs, en le ramenant à son vrai principe, qui est le panthéisme matérialiste en d'autres termes, l'adoration de la nature, l'idolâtrie de la chair. Note. Ironie voltairienne voir, livre 3, chapitre 19, livre 4, chapitre 32, livre 7, chapitre 24 et 27. Réfutation du paganisme voir, livre 7, chapitre 5, 6, 9, 11, 27 et ailleurs. Fin de la note. Saint Augustin se tourne alors vers les disciples de Plotin et de Porphyre, et, distinguant profondément deux sortes de philosophie, livre 8, chapitre 1er, 2, 5, la philosophie des sens, qu'il répudie, et la philosophie de l'esprit, qu'il honore et qu'il accepte. Il presse avec une vigueur extraordinaire ses anciens amis les platoniciens. Il leur démontre que la vraie religion, celle qui s'accorde avec leurs principes, ce n'est pas la religion païenne, fille de la chair et des sens, mais celle qui adore Dieu en esprit et en vérité. Livre 8, 9 et 10. Cette polémique, tour à tour pleine d'insinuations et de véhémence, subtile, passionnée, mais toujours loyale, bien loin d'ôter au livre, son unité, la fait ressortir davantage, et cette unité, c'est l'alliance nécessaire de la philosophie spiritualiste et du christianisme. Cherchons donc comment s'est formée par degrés dans l'esprit de saint Augustin cette grande pensée qui domine toute sa vie, et qui, ébauchée dans plusieurs de ses ouvrages, se développe enfin sur une vaste échelle dans le plus considérable de tous.